rencontré dans la rue, la rue. Tu m'as donné ton SMS, SMS. Je t'ai dit oh oh oh oh oh oh. Tu m'envoies des textos, et depuis c'est le big love, puis au moins toi du. Écris l'histoire sur le marbre de ta vie. Écris l'histoire, toi et moi à l'infini. Je t'ai vu 3 days ago au Parc-Nat. Oh oh. Tu m'as dit oh oh oh oh, bon c'est fini. Écris sur Facebook, Facebook. J'étais trop dingue. Wow. Écris l'histoire sur le marbre de ta vie. Écris l'histoire, toi et moi, à l'infini. Yeah, yeah, on the street. Then again I see you, oh, in the city, yo. Oh, when it all, the water, the city, yo. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Écris l'histoire sur le marbre de ta vie. Écris l'histoire, toi et moi.